j'attends une étincelle qui viendrait me pousser hors de ma balancelle. Un espace, un sourire viendrait rompre le temps de la danse trop seule qui jamais ne m'attend. Dans le feu des instants, je vois des étincelles qui dessinent en l'espace de jolies aquarelles. Mais les couleurs sont grises quand elles sont solitaires, surtout quand leur voix crie du fin fond de la terre. Wow, wow, chante ma balancelle qui se balance sous les arcs-en-ciel. Et quand elle s'arrêtera, c'est parce que tu seras là à côté. S'allume au moment du réveil, pas le temps dans l'écume de trouver le sommeil. Une chanson dans le cœur pour tenir la distance. Chaque soir je me meurs, les aubes sont ma naissance. Dans le feu des instants, j'entends des étincelles qui font rire des enfants sautant sur des marelles. Un sourire du levant me demande qui est celle qui voudra partager mon humble balancelle. Wow, wow, chante ma balancelle qui se balance sous les arcs-en-ciel. Et quand elle s'arrêtera, c'est parce que tu seras là à côté de moi, de moi.